prudent. Elle se prénomme Gertrude, son pelage est tout blanc. Et quand l'hiver est rude, elle tousse, elle tousse, elle tousse. La chienne du président, elle est toujours malade. Les soirs de mauvais temps, elle tombe toujours en rade. Elle tousse, elle tousse, elle tousse. La chienne du président, la chienne du président, la chienne du président, la chienne du président. Elle aime les chiches kebab, elle en a 22 ans, elle vomit tout son rab. Elle tousse, elle tousse, elle tousse. La chienne du président fait des crottes sur la pelouse, elle prend bien tout son temps, et quand arrive la bouse, elle pousse, elle pousse, elle pousse. La chienne du président, la chienne du président, la chienne du président. La chienne du président. La chienne du président, la chienne du président, la chienne du président.